Ouais, Léas, bien ou bien? Si, si, le gros, ça va. Ça fait quoi? Ouais, t'as vu, toujours sur le terre-terre, et ça piquera, mon frère. Hein. Tu sais quoi? Je sors chez BM, je viens de leur péter une espèce de putain de carrosse, le dernier M5, mon frère, 507 chevaux. Arrête, putain, ça tue, je connais un bon magasin Lacoste à casser en plus. Bon, vas-y, j'arrive, on le fait. Ok, je t'attends. Hein. Attention, Zizi, t'as l'école, Zizi, t'as l'école. Si, si, baisse tous les commissaires, c'est pas chaud. C'est triant de la galère pour les frères des terres. Nique les patrouilles derrière nous, chars sur le terre-terre. C'est pour mes frères qui se dégradent la bombe R. Garacher sa coche des commerçants qui mettent des polis dans les vitrines quartier. Viens dans mon quartier, sale keuf, on va te baffer. C'est pour mon Rosity qui te quèvera ta Bentley. Demande à mort, ça y est, ZRF à Cliffy qui tire sur les bacs de nuit en fusil. C'est pour mon pote Fredo qui nique tous les raclos à coups de hache dans le dos. Fuck les vendeurs d'héros. Pensez à MV et tous les Lyonnais, les inventeurs de ce putain de casse-pélier. C'est alias truand de la galère. Je présente mes frères qui niquent ta mère si tu regardes de travers. Je mets un temps d'honneur à la jeunesse des rappeurs qui démêlent leur violence dans des paroles provocantes. Pour truand de la galère, c'est que le début. Alors je perds le contrôle de ce flow et je te laisse balancer à notre tempo.